Lettre 17e. Agathoclès à Phocion, Édesse, juin 301. Peux-tu te faire une idée, Phocion, de la situation désespérante d'un homme qui, après avoir été ballotté sur une mer orageuse, sans espoir de revoir sa patrie, aperçoit enfin ce rivage désiré, y touche, croit être à la fin de ses peines, lorsqu'un ouragan terrible le repousse et le jette sur un rocher inabordable, d'où il peut contempler cette terre natale et chérie, tandis que, séparé d'elle à jamais, il périt de faim et de misère. Telle est l'image trop fidèle de l'état de ton malheureux ami. Le sort impitoyable se joue de mes désirs. Il me condamne à une épreuve au-dessus de mes forces. Je l'ai retrouvée, Phocion. J'ai vu ma Larissa. Je demeure avec elle. Un même toit nous abrite, et elle est à jamais perdue pour moi. Peux-tu comprendre le martyre que renferment ces paroles? Je suis trop ému pour écrire avec ordre. Laisse-moi le temps de me remettre. J'ai combattu de toutes mes forces pour apaiser l'orage qui bouleverse mon âme et prendre sur moi de te raconter ce qui s'est passé. À l'avenir, j'aurai besoin d'employer sans cesse toute la force d'esprit dont je suis capable, et il est bon d'en prendre l'habitude. Écoute donc. D'après les ordres de Dioclétien, je me rendis il y a 8 jours à Édesse près du général Démétrius. Mon père avait demandé et obtenu que je fusse sous les ordres de cet ancien guerrier, distingué par des faits glorieux, une discipline exemplaire, une fidélité à toute épreuve. Sous ses yeux, je devais faire mes premières armes. Démétrius me reçut, comme je pensais l'être, d'après l'idée que je m'étais formée de lui, avec une rudesse militaire mêlée de dignité. Les distractions et les occupations de mon nouvel état m'aidèrent à oublier pendant les premiers jours tous mes sujets de peine, à supporter l'ennui de vivre au milieu d'étrangers, loin de ma patrie et séparé de tout ce que j'aime. On attendait la femme du général qui ne peut vivre éloignée d'elle et qui a exigé qu'elle vînt le joindre dans une ville située aux environs d'Édesse où il établit son quartier général. 3 jours plus tard, elle fut près de lui. On ne la vit point, et sa présence ne fut remarquée que par le silence qui régna dans la partie de la maison qu'elle habitait, et par la rencontre de plusieurs femmes esclaves qui allaient et venaient. Elle passait les journées entières dans son gynécée. Qui que ce soit, excepté quelques confidences intimes de Démétrius, n'approchait de la table où les époux mangeaient, même dans les vastes jardins de la ville, où nous savions qu'elle se promenait quelquefois. Elle choisissait de préférence les lieux les plus sombres, les plus reculés. Personne n'osait se trouver sur son passage, ni chercher à troubler son goût pour la retraite. Peu curieux de nouvelles connaissances, surtout de femmes, craignant de déplaire au général que son âge avancé rend peut-être susceptible de jalousie, je n'avais pas même le désir de connaître sa compagne. Avant-hier, sans songer à elle, mes rêveries me conduisirent dans la partie la plus sauvage des jardins. Des pins énormes, recouverts de lierre, forment un bosquet où le soleil ne peut pénétrer. Le calme, la fraîcheur de ce site m'engagèrent à y entrer. Je m'y trouvais absolument seul, et voulus me reposer sur un banc de mousse. Au moment de m'asseoir, j'aperçus sur ce banc une jolie petite corbeille remplie de bobines de fil d'or et d'écheveaux de laine pourpre. Cette vue et le silence de cette solitude me firent penser que l'épouse du général avait choisi cette place pour son travail. J'étais sur le point de me retirer, lorsque, jetant encore un regard sur la corbeille, je fus arrêté par un charme irrésistible, un souvenir cher et douloureux, une image délicieuse à peu près effacée, mais qui revivait tout à coup dans mon âme, suspendirent toutes mes facultés. Je ne pouvais cesser de regarder cette corbeille. Il me semblait que je l'avais déjà vue. À cette idée vague se joignirent aussitôt une foule de sensations, de souvenirs de mon enfance. J'eus enfin la certitude d'avoir tressé et fait moi-même cette corbeille depuis plus de 12 ans, pour la donner, remplie de fleurs, à Larissa le jour de sa fête. Agité, ému, je prends la corbeille, je l'examine, j'écarte les objets dont elle est remplie. Ma conviction devint claire et positive lorsque je trouvai au fond ces mots écrits de ma main pour ma chère Larissa. Ah, combien d'années de douleur s'effacèrent de mon esprit! Je crus être revenu au moment où je traçais ce nom chéri, où j'entrelaçais avec tant de plaisir l'osier flexible, pour offrir ce présent à ma jeune amie. Je tenais cette corbeille, je la pressais contre mes lèvres, Lorsqu'un léger bruit se fit entendre, je me retournai. Une femme de la tournure la plus élégante, vêtue avec une noble simplicité, couverte d'un long voile blanc qui cachait son visage, était debout à l'entrée du bosquet et paraissait saisie d'étonnement. Une douce voix, trop bien connue, retentit à mon oreille. « Est-il possible ? » disait-elle. « Mes yeux ne me trompent-ils pas ? Est-ce Agathoclès ?» En disant cela, elle s'avançait en relevant son voile. « Oh Dieu, Phocion, c'était Larissa !» Nous volâmes dans les bras l'un de l'autre. Pendant quelques instants, nous ne sentîmes que l'inexprimable bonheur de nous retrouver après 8 mortelles années. Je pressai mon amie contre mon cœur ivre de joie. Elle releva la tête. Son visage était pâle comme la mort. Puis, reculant d'un pas, elle me dit d'une voix tremblante « Je suis la femme de Démétrius. » Je restai comme anéanti de l'expression de sa physionomie, plus que des paroles accablantes qu'elle venait de prononcer. « Ma chère Larissa, » lui dis-je en me rapprochant d'elle. « Non, non, » s'écria-t-elle en faisant un mouvement de sa main pour m'éloigner. Mais en même temps, ses genoux fléchirent, sa tête se pencha. Elle allait tomber. Je la pris dans mes bras. Et je la couchai sur le banc de gazon. « Oh, Agathoclès, » dit-elle, « pourquoi t'ai-je revue ?» Elle pâlissait toujours. Je voyais qu'elle allait perdre l'usage de ses sens, quoiqu'elle combattît avec force contre son émotion. Je voulus appeler ses femmes. « Reste, Agathoclès, » me dit-elle d'une voix peine intelligible. « Laisse-moi mourir près de toi. » Sa voix, ses yeux, s'éteignirent. Elle resta sans connaissance dans mes bras. « Dieu, Phocion, quel moment !» Après toutes les peines d'une séparation aussi longue que cruelle, je la retrouve pour l'avoir expirée sur mon cœur. Elle ne donnait aucun signe de vie. Je me livrai au désespoir. Je couvrais de baisers et de larmes ce visage inanimé, ses lèvres immobiles et glacées. Je n'étais plus à moi. Je ne savais ce que je faisais. Je n'avais d'autre désir que celui de mourir avec Larissa. Enfin, quelques minutes après, elle ouvre les yeux et me regarde. Oh, Phocion, que de sensibilité, que d'amour dans ce regard céleste, encore éteint à demi. Non, il ne connaît pas ce que peuvent exprimer les yeux, le mortel qui n'a pas vu ceux de Larissa fixés sur Agathoclès. Je la pressais contre mon cœur. Je lui disais une bien faible partie de ce que je sentais. Elle m'écoutait en silence, sans chercher à s'y opposer. Ses yeux, toujours fixés sur les miens. Enfin, ses larmes coulèrent avec abondance. « Tu ne m'as pas oublié, Larissa. Je le vois avec transport. Tu m'aimes encore, comme autrefois. » Elle releva sa tête qu'elle avait appuyée sur mon épaule. Ses larmes s'arrêtèrent et son regard devint sombre. Elle me repoussa d'une main. « Je t'aime, » me dit-elle sans me regarder. Mais non plus comme autrefois. Je suis marié. » Ces paroles tombèrent sur mon cœur comme un poids énorme. Je vis l'excès de mon malheur et l'abîme sur le bord duquel j'étais. Les projets, l'espoir de Tiridate vinrent traverser ma pensée et me rendre à la vie. Vois, Phocion, comme ton élève est faible. Cet espoir que j'avais condamné si vivement devint aussi le mien. Je me rapprochai de Larissa en lui disant « Larissa, n'y aurait-il donc aucune possibilité de réunion entre nous ?»« Point, point, » répondit-elle précipitamment, et ses larmes redoublèrent. Je la pressai de me parler ouvertement. Elle sanglotait au point de ne pouvoir prononcer un mot, mais elle secoua la tête dès que je prononçais le mot d'espoir. Après quelques instants, elle parvint à se calmer et se leva, mais sa faiblesse l'obligea de se rasseoir. « Agathoclès, » me dit-elle avec une douceur angélique, « éloigne-toi, je t'en conjure. Ne cherche pas à pénétrer ma pensée. Je suis hors d'état de te parler. Ami de ma jeunesse, si tu m'aimes encore, laisse-moi jouir seul du bonheur de t'avoir retrouvé. Va, il faut que j'essaie de me remettre. Envoie-moi dans quelques moments mes femmes, pour qu'elles me ramènent chez moi. Je n'ai pas, je le sens, la force d'atteindre seule la maison. » Je voulus lui parler, la soutenir, la persuader de prendre mon bras. Mais ses mains jointes, son beau regard porté vers les cieux, me dirent plus de choses encore que ses paroles, m'engagèrent à lui obéir, à me retirer. Je la quittai. Et quelques minutes après, je me trouvais dans ma chambre, sans savoir moi-même comment j'y étais arrivé. Je ne pus que longtemps après me retracer un événement si semblable à un songe. La raison et la réflexion m'offrirent peu de consolation. Cependant, je ne voyais pas la nécessité de renoncer à tout espoir d'être uni à ma Larissa. Que deux mariages ont été dissous avec le consentement des deux parties. Ce n'était point ici la situation de Sulpicie qui donna volontairement sa main à un époux d'un âge proportionné au sien, qui attendait d'elle son bonheur. Maintenant elle veut rompre, malgré lui, le lien qui les unit, poursuivre un amant qu'elle connaît à peine. Larissa est l'amie de mon enfance. J'avais des droits avoués sur son cœur avant que Démétrius l'eût connue. C'est la jeune épouse d'un vieillard insensible à ses charmes, qui ne l'estime peut-être qu'à titre de ménagère. Il doit alors être bien égal à Démétrius que Larissa ou tout autre gouverne sa maison. Je pensais et je pense encore ainsi. Je brûlais d'en parler à Larissa, de lui exposer mes raisons, de me concerter avec elle sur notre sort à venir. Je n'ai cessé de la chercher. 10 fois, je suis inutilement retourné dans le bosquet. Phocion, quelle inconcevable conduite, quelle froideur glaciale. Déjà 3 jours se sont écoulés sans la revoir. Elle, qui m'aimait autrefois, qui doit connaître le tourment dont mon cœur est accablé, elle évite maintenant de se promener dans les jardins, dans la crainte, sans doute, de me rencontrer. Comment excuser une telle conduite? Ne suis-je donc pas digne qu'elle me parle au moins, qu'elle se donne la peine de m'éclairer sur ce que j'ignore, de m'apprendre ce qui a une si grande influence sur ma vie? Non, non, ce n'est plus ma Larissa, ma douce, ma sensible amie. Que craint-elle? Son amour est passé. Ce qui l'a si fort saisi dans les premiers moments n'était que de la surprise. Nous n'avons rien à concerter ensemble, rien à désirer, rien à espérer. Mais ne puis-je savoir au moins quel motif a pu la décider à donner sa main à un vieillard qu'elle ne peut aimer? Ce que sa famille est devenue? Ne donne-t-on pas à une simple connaissance, à la personne la plus indifférente que l'on rencontre par hasard dans un pays étranger, des nouvelles de ses amis et de ses connaissances? Je ne demande, je ne veux autre chose de la femme de Démétrius. La fille de Timancias doit me raconter ce qu'est devenue l'amie de mon enfance, ma Larissa, sa mère, son père, toute sa famille. Qu'est-il donc là contre ses devoirs? Je ne saurais l'apercevoir, mais elle agit autrement. Parce qu'elle veut me prouver par son indifférence que je ne suis plus rien pour elle. Oh, Phocion! Tel est donc le dénouement tant désiré de la fatale histoire de ma vie. Mes ardents désirs sont remplis. J'ai retrouvé celle à qui je songeais sans cesse. Et je suis plus malheureux que jamais. Plains ton ami et relève son courage. Adieu.